pur, s'hab wallah l'adim. Dans toutes les villes, ils ont mis des Vélib, s'hab la Chine. Beau gosse, t'es un roue arrière, un R6, s'hab l'Afrique. Les gens te portent l'œil, tu te retrouves, s'hab infirme. Quand je mets du flow de la rime, je me pose rapide, c'est s'hab dirty. Quand les flics toquent à 6 du mat, ben c'est s'hab perquise. Allons enfants de la patrie, je connais pas la suite. Allez, resserre-moi un pastis jusqu'à s'hab la cuite. L'État veut nous mettre à l'amende, s'hab le train, les bus. Car ici c'est perdu d'avance, s'hab le quai des plus. Dans la rue, les RG sont des espions, s'hab les Russes. Si tu es un homme de paix, tu vas finir, s'hab Jésus. Le centre-ville et le Prado, ben c'est s'hab Clando. Tu veux du rap, moi je suis un fournisseur, s'hab en gros. On a la dalle, pas un euro, s'hab le ventre vide. Vas-y, fais pas s'hab le GM, fais tourner des frites. Yeah. Moi je ne sais que faire du rap, s'hab la rue. Tenue vestimentaire, s'hab capuche. J'suis pas de ce qui raconte, s'hab la flûte. S'hab, s'hab, s'hab, ça tue. Moi je ne sais que faire du rap, s'hab la rue. Tenue vestimentaire, s'hab capuche. Je représente les gens, s'hab crapule. S'hab, s'hab, s'hab, ça tue. En intérim, y'a que des missions, s'hab les champs de coton. La France, tu l'aimes ou tu la quittes, s'hab casse-toi, pauvre con. Petit GT au fond de la classe, s'hab mauvais élève. Car ça pue et la défaite, s'hab Raymond Domenech. Ça squatte devant le bloc, ça vend la drogue, s'hab la zone. Tu veux refourguer de la mauvaise dope, s'hab la com. À 25 piges, pas de métier, s'hab la catastrophe. Le jour du RMI devant le guichet, s'hab la poste. D'ici les civils sont des gros ripous, s'hab the shit. Quand tu t'éclipses avec une jolie fille, t'es s'hab de piste. Pour s'en sortir, il faut un gros QI, s'hab le vice. T'as pris 15 piges, tu rêves d'une évasion, s'hab Scofield. Putain, même les képis ont confiance, s'hab Sarko. Dans les réseaux, ça trafique les narcos, s'hab Pablo. Si tu veux te payer un tapin, poteau, ne bois pas trop. Tu pourras tomber sur un spécimen, s'hab Travlo. Moi je ne sais que faire du rap, s'hab la rue. Tenue vestimentaire, s'hab capuche. J'suis pas de ce qui raconte, s'hab la flûte. S'hab, s'hab, s'hab, ça tue. Moi je ne sais que faire du rap, s'hab la rue. Tenue vestimentaire, s'hab capuche. Je représente les gens, s'hab crapule. S'hab, s'hab, s'hab, ça tue. Aujourd'hui la mode c'est se faire la crête, s'hab ta bête. Rien que ça fume, ça veut se mettre en mode, s'hab j'arrête. Paris-Barbès, on se croit à Marseille, s'hab Bordex. Le harbi du coin peut être le sosie de Shep Khaled. Cousin, j'ai bourré au volant, fais pas s'hab, je gère. Moi quand je te vois c'est contre couilles, fais pas s'hab, je baisse. Des coups de couteau et des balafres, c'est comme s'hab le bled. Tous les gringos sont des malades, ont des graves séquelles. Tous les honnards sont des timides, y'a pas de s'hab, je t'aime. T'as jamais vendu une barrette, fais pas s'hab le vrai. Tu rêves d'épouser une princesse, s'hab Jasmine. Tu tombes sur une cochonne de film X, s'hab Yasmine. Fais pas le fou, personne esquive les balles, s'hab Matrix. Zama t'y a pas de 06, fais pas s'hab la mise. Tout ça pour dire rien à foutre que tu craches, s'hab dans le dos. El Matador, c'est le retour à la s'hab Rambo. Moi je ne sais que faire du rap, s'hab la rue. Tenue vestimentaire, s'hab capuche. J'suis pas de ce qui raconte, s'hab la flûte. S'hab, s'hab, s'hab, ça tue. Moi je ne sais que faire du rap, s'hab la rue. Tenue vestimentaire, s'hab capuche. Je représente les gens, s'hab crapule. S'hab, s'hab, s'hab, ça tue. Moi je ne sais que faire du rap, s'hab la rue. Tenue vestimentaire, s'hab capuche. J'suis pas de ce qui raconte, s'hab la flûte. S'hab, s'hab, s'hab, ça tue. Moi je ne sais que faire du rap, s'hab la rue.